l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1989, alors que les éditions Gallimard publiaient ses œuvres complètes, Marie-Christine Navarro consacrait une série de 5 émissions à la philosophe Simone Veil. Dans la première de cette série, témoignaient l'ancien porte-parole de la France libre et ancien ministre Maurice Schumann et le philosophe Gustave Thibon, qui tous deux avaient été proches de Simone Veil. Exclue de l'université par les lois antisémites, désireuse de faire l'expérience du monde agricole, Simone Veil fut accueillie par Gustave Thibon dans sa ferme de l'Ardèche. De sa rencontre avec elle, Gustave Thibon disait qu'elle avait été le grand choc de sa vie. Comme nous allons l'entendre le raconter, ce fut à lui qu'elle confia ses manuscrits en 1942, quand elle dut partir pour New York, avant de rejoindre Londres pour se mettre au service de la France libre, où elle retrouva son ami Maurice Schumann, comme elle, ancien élève du philosophe Alain. Tuberculeuse, Simone Veil devait mourir quelques mois plus tard, au sanatorium d'Ashford, ou peut-être se laisser mourir, selon Maurice Schumann, de n'avoir pas été autorisé par Londres à rejoindre la résistance intérieure, de n'avoir pu, dans ce cas, accorder son action à sa pensée. Les chemins de la connaissance, Simone Veil ou les métamorphoses, penser, agir, vivre, un même élan, premier volet d'une série de 5, diffusé la première fois le 10 juillet 1989 sur France Culture. C'était une sublime entêtée. Elle n'était plus de ce monde, alors qu'elle vivait toutes les douleurs du monde. Elle n'était plus de ce monde. Et ça n'avait pas toujours été le cas. Quand Simone Veil et Simone Pétrolement étaient de jeunes et brillantes normaliennes préparant l'agrégation, elles allaient canoter sur le lac du Bois de Boulogne, elles se faisaient des confidences les sentiments qu'éveillaient en eux tel ou tel garçon, qu'en elles tel ou tel garçon. Elles avaient un cœur, elles allaient voir ensemble les deux orphelines, qui leur apparaissaient comme un mélodrame ridicule. Elles étaient obligées de sortir parce qu'elles étaient saisies par un fou rire. Et puis, peu à peu, il y a eu une désincarnation. Simone Veil, penser, agir, vivre, un même élan. Le « je » est aussi grand que le monde. Tous les sons se rencontrent dans l'oreille. S'identifier à l'univers même, tout ce qui est moindre que l'univers est soumis à la souffrance, étant par ciel et par suite exposé aux forces extérieures. J'ai beau mourir, l'univers continue. Cela ne me console pas si je suis autre que l'univers, mais si l'univers est à mon âme comme un autre corps, ma mort cesse d'avoir pour moi plus d'importance que celle d'un inconnu. De même, mes souffrances. Que l'univers entier soit pour moi, par rapport à mon corps, ce qu'est le bâton d'un aveugle pour l'aveugle par rapport à sa main. Il n'a réellement plus sa sensibilité dans sa main, mais au bout du bâton. Robert Schumann, qui connut et fut bouleversé par la mystique veilienne, auteur d'un essai sur les destins parallèles de Peggy, Gandhi et Simone Veil, nous parle de ce qui liait profondément ces trois figures, dont l'exigence spirituelle détermina à la fois la pensée et l'action dans le siècle. La parenté n'est pas entre les trois personnages, elle est entre les morts de ces trois personnages. Ces trois personnages... Deux, d'ailleurs, m'ont été familiers, puisque j'ai longuement approché Gandhi et j'ai été l'intime de Simone. Ces trois personnages ont eu une mort qui est dans le droit fil de leur existence. Celle-là même qu'ils ont souhaitée. Peggy a écrit, tout le monde le sait, « Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, couchés dessus la terre à la face de Dieu ». Il est mort dans une guerre qui est considérée comme juste, couché dessus la terre à la face de Dieu. Gandhi m'a dit à moi-même, après avoir été pris à partie en ma présence par un fanatique, « Je voudrais offrir ma vie, je suis un très vieil homme, très affaibli, je voudrais offrir ma vie à ma cause, et ma cause maintenant, c'est la réconciliation des musulmans et des hindous qui versent mutuellement leur sang et qui souillent la libération de la mère Inde, comme il disait. Quant à Simone Veil, il est indubitable, non pas qu'elle s'est suicidée, l'expression serait impropre, mais qu'elle est allée vers une mort volontaire, parce que n'ayant pas pu obtenir la mission de sacrifice qu'elle sollicitait, elle entendait ne pas survivre à cette déception fondamentale. Elle savait, ou croyait, qu'elle ne verrait plus la vérité dans l'extrême dénuement et dans l'extrême douleur à la faveur de cette mission qu'elle ambitionnait. Dès lors, la vie n'avait pour elle plus de sens. Simone Veil n'a jamais accepté, c'était un point commun avec Gandhi d'ailleurs, le moindre écart entre la pensée et l'action. À partir du moment où elle croit que la cause des républicains espagnols est juste, elle, femme faible, torturée par des maux de tête, va s'engager. À partir du moment où elle constate que la guerre est menée par des méthodes et avec des moyens qu'elle réprouve, elle part. Simone, avant les lois sociales de 1936, est obsédée par la condition ouvrière. Que fait-elle ? Elle s'engage, comme ouvrière, à la chaîne, dans une grande usine. Simone, qui avait été pacifiste intégrale, choisit la résistance au nazisme à partir d'une certaine date. Dès lors, il lui faut non seulement courir le risque de la mort, non seulement braver la mort, mais trouver la mort dans la lutte. Gustave Thibon, philosophe paysan et catholique, accueillit Simone Veil en 1941 dans sa ferme afin qu'elle y travaillât comme elle l'avait fait auparavant en usine, aux côtés des paysans. C'est de cette rencontre déterminante qu'il nous parle. Et c'était donc, si j'ai bonne mémoire, au printemps de 1941. Et j'avais un excellent ami à Marseille, le père Perrin, un dominicain, que je connaissais depuis assez longtemps. D'ailleurs, pendant la guerre, j'étais soldat à Marseille et je travaillais au contre-espionnage dans un bureau et je logeais au couvent des Dominicains. Et un jour, j'ai reçu une lettre du dit père Perrin m'écrivant « J'ai ici dans mon bureau une jeune fille qui me paraît remarquable, qui est israélite, qui a reflué dans la zone libre à cause évidemment des ennuis que les Juifs éprouvaient dans la zone nord, et qui est agrégée de philosophie, qui est militante de gauche, ce n'était pas tout à fait vrai, mais enfin, c'était bon, et qui désirerait faire une expérience agricole. Elle a été chassée de l'université par les lois raciales, et elle a fait déjà une expérience ouvrière quand elle travaillait chez Renault, et le tiendrait à faire une expérience agricole, car elle ne tient pas à parler du sort des travailleurs, ne l'ayant pas éprouvé le même. C'est ce qu'elle désirait d'ailleurs en tout, Simone Veil. Et alors, cette expérience aurait peut-être certains besoins d'être contrôlée. Alors, si vous pourriez la prendre chez vous. Chez vous, c'est-à-dire vous étiez... dans ma ferme. Enfin, j'ai dit, bon, qu'elle vienne. Mais quelques jours après, elle a débarqué chez moi, avec armes et bagages, si on peut dire. Elle était fagotée, comme on ne l'est pas. La coquetterie n'était pas son fort. C'était plutôt l'anti-coquetterie, si on peut dire. Bon. Et alors, votre impression par la suite sur elle ? Eh bien, mon impression par la suite... Eh bien, je l'ai dit souvent, n'est-ce pas, étant donné nos discussions, étant donné son aspect extérieur, étant donné que dès le début, son ascétisme a fait qu'elle ne voulait pas se satisfaire de notre pauvre hospitalité, qui était pourtant bien humble. Vous savez, une ferme en 1941, on n'avait pas l'eau courante, on allait chercher l'eau en puits qui était à 30 mètres de là, mon Dieu, mon Dieu. Mais non, ça ne lui a pas, n'était pas suffisant, eh bien, pour satisfaire son ascétisme. Alors, heureusement que mon beau-père avait une vieille ferme désaffectée. Alors, elle est allée s'installer là, 2 kilomètres au bord du Rhône. Et sur le coucher pratiquement par terre, enfin, la vie la plus ascétique possible. Et alors, vous savez, j'ai eu l'impression d'un désaccord pas substantiel, mais enfin d'une vie qui allait être pénible, d'autant plus qu'elle discutait d'une façon, elle discutait sans fin, on ne pouvait jamais se coucher ni rien. Alors, je me suis préparé à faire une partie de mon purgatoire sur terre. Bon. Et puis alors, cette impression a changé complètement, car au bout de 2 ou 3 jours, eh bien, rien qu'en la regardant contempler la vallée du Rhône avec ce regard, je dirais pas esthétique, ce serait trop faible, mais plutôt contemplatif, eh bien, j'ai senti que quelqu'un d'exceptionnel était venu là. Enfin, C'était le grand choc de ma vie, si on peut dire. Par ailleurs, elle n'avait aucune susceptibilité. Ça, c'est très sympathique. On pouvait lui dire, maintenant, il y en a assez, on va se coucher. C'était pas passé. On pouvait être en désaccord, même quelquefois violent, s'engueuler, comme on dit vulgairement. Mais enfin, il n'y avait pas une ombre de quant à soi, chez elle. Elle était brutale, mais elle ne se ménageait pas. Ah, elle ne ménageait pas, elle était d'une franchise. Mais on pouvait être de la même franchise avec elle, et elle n'était pas passée. Elle n'était pas d'accord, c'est entendu. Nous avions des discussions épiques. Alors, elle était anti-romaine comme on ne l'est pas. Et en plus, eh bien, que voulez-vous, Marc Aurèle était son livre de chevet. Elle avait Marc Aurèle en grec, qu'elle m'a laissé, qui m'est très précieux, qu'elle lisait tous les jours. Alors, je faisais humblement remarquer que ce personnage était empereur, qu'il était romain d'abord, que par-dessus le Marcel était empereur, ce qui le rendait encore plus romain. Alors, elle me répondait, mais non, il était grec, il a écrit en grec. Bon. Mais elle avait un sens de l'absolu, qui appliquait à l'absolu était une chose excellente, mais qu'elle appliquait un peu trop volontiers au relatif. Voilà. Par exemple, elle avait une théorie assez curieuse que le vrai génie eh bien, ne peut être que d'essence religieuse, et qu'un vrai génie ne peut être qu'un saint ou presque un saint. Alors les gens dont il était prouvé qu'ils n'étaient pas des saints ou des presque saints, pour elle, c'était des gens qui avaient simplement du talent, des assembleurs de mots, de grands talents, mais qu'ils n'avaient pas le vrai génie. Je suis entré en rhétorique supérieure à la fin 1928. Elle avait été reçue au concours de l'école au mois de juillet précédent. Mais comme beaucoup des anciens élèves d'Alain, elle revenait en Cagne, Henri IV, pour suivre les cours d'Alain. S'asseyait au premier rang, prenait des notes, réfléchissait, intervenait lorsque surgissait l'heure de la discussion. C'était une classe infiniment libre. Et brillait par cette prodigieuse intelligence qui, dès cette époque, ne faisait pas de quartier. Car cette femme qui, à la fin de sa vie, a été implacable envers elle-même et qui, en réalité, l'avait toujours été, fut aussi implacable avec les autres et avec les morts comme avec les vivants. Elle ne pardonnait pas à Corneille une épître qui précède une de ses tragédies et qu'elle considérait comme un acte de vile courtisanerie à l'égard du roi. C'était son côté à la fois passionnant, je dirais inévitable, car si ce côté n'avait pas existé, elle n'aurait pas existé elle-même, mais qui en même temps avait quelque chose de fatigant et d'irritant. Simone, à mon avis, je choquerai un certain nombre de ses admirateurs, a eu une vie de sainteté et une mort de sainteté, mais n'était pas à proprement parler une sainte. D'ailleurs, Maritain avait l'habitude de dire à Peggy, « Mon cher Charles, les saints, eux, allaient à la messe. » Et comme vous le savez, Simone ne s'est jamais approchée des sacrements. Elle allait à la messe. Elle acceptait tout du nouvel évangile. Mais phénomène tout à fait extraordinaire de la part d'une jeune fille d'origine juive, issue d'une double et longue lignée juive, c'est l'Ancien Testament qui la tenait à l'écart des sacrements et de l'entrée dans l'Église, en pleine guerre au moment des persécutions anti-juives, dont elle a été elle-même victime d'ailleurs, puisqu'elle a été chassée de l'université, ce qui lui a permis d'écrire à Xavier Vallat, commissaire aux affaires juives, une lettre superbe. Elle s'adresse au père Perrin, qui est une sorte de directeur de conscience pour elle, admirable dominicain frappé de cécité, et elle lui demande si, en recevant le baptême, elle s'engage à croire comme parole divine tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Le père Perrin lui fait une réponse qui ne la satisfait pas, qui repose probablement sur une distinction entre la lecture littérale et la lecture symbolique de la Bible, et alors elle refuse. Pourquoi ? Eh bien, elle sait qu'à toutes les époques, l'histoire a été jalonnée d'injustice et de cruauté. Elle sait que l'histoire est tragique. Elle ne peut pas ne pas l'accepter. Mais ce qu'elle n'accepte pas, c'est que l'on implique Dieu dans les injustices et les cruautés de l'histoire. Et quand elle lit, par exemple, que Jéhovah ne pardonne pas à Saül d'avoir épargné un Amalécite en ayant massacré tous les autres, elle se révolte et elle refuse le génocide des Amalécites, comme elle refuse naturellement le génocide contemporain des Juifs ou des Tziganes. Et pour elle, c'est un point capital, toutes les victimes de l'injustice sont ses contemporains. être la contemporaine de tous ceux qui, à travers l'histoire, ont souffert de l'injustice, de la discrimination, de la persécution ou de la faim, c'est le trait essentiel de Simone, parce que ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un état d'âme, c'est un état physique et moral à la fois qui engage toute sa personnalité. Simone Veil rencontra une seule fois Jo Bousquet, avec lequel elle eut une discussion passionnée qui dura toute la nuit. C'est à la suite de cette rencontre bouleversante qu'elle lui écrivit une lettre qui compte parmi ses plus beaux textes mystiques. Connaître la réalité de la guerre, c'est l'harmonie pythagoricienne. L'unité des contraires, c'est la plénitude de la connaissance du réel. C'est pourquoi vous êtes infiniment privilégié, car vous avez la guerre logée à demeure dans votre corps, qui, depuis des années, attend fidèlement que vous soyez mûr pour la connaître. Ceux qui sont tombés à vos côtés n'ont pas eu le temps de ramener sur leur sort la frivolité errante de leurs pensées. Ceux qui sont revenus intacts ont tous tué leur passé par l'oubli, même s'ils ont donné l'apparence de se souvenir, car la guerre est du malheur. Il est aussi facile de diriger volontairement la pensée vers le malheur que de persuader un chien, sans dressage préalable, de marcher dans un incendie et de s'y laisser carboniser. Pour penser le malheur, il faut le porter dans la chair, enfoncé très avant, comme un clou, et le porter longtemps, afin que la pensée ait le temps de devenir assez forte pour le regarder. Le regarder du dehors, étant parvenu à sortir du corps, et même en un sens de l'âme. Le corps et l'âme restent non seulement transpercés, mais cloués sur un lieu fixe. Que le malheur impose ou non littéralement l'immobilité, il y a toujours immobilité forcée en ce sens qu'une partie de l'âme est toujours, continuellement, inséparablement collée à la douleur. Ce qui a retardé sa conversion au catholicisme, qu'il a retardé, n'a jamais été complètement converti. Mais enfin, elle avait admis tout de même l'essentiel du christianisme. Elle me l'a écrit peu avant de mourir. Elle m'a dit, si vous me parlez de l'évangile, si vous me parlez de la liturgie, si vous me parlez des grands dogmes chrétiens, l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie, si vous me parlez des cathédrales romanes, eh bien, cette religion est la mienne, il n'y a que mon indignité qui m'en sépare. Bon. Mais si vous me demandez d'adhérer à l'Ancien Testament, si vous me demandez d'adhérer à toutes les formules du Concile de Trente, cette religion n'est pas la mienne. Voilà. C'est très net. Et la coupure, elle aurait voulu que, pour elle, les ancêtres du Christ, les véritables prophètes, c'était les Grecs et non pas les Juifs. Elle trouvait un pressentiment du Christ dans Platon beaucoup plus que c'est les Juifs. Alors comment est-ce que vous expliquez que quelqu'un qui se méfiait autant de la réussite dans ce monde, oui, vous ait confié tous ces cahiers? C'est-à-dire, en fait, elle vous les a confiés. Est-ce qu'elle vous a confié pour la publication, avec une arrière-pensée de publication? C'est sa lettre que j'ai gardée toujours. Oui. Eh bien, je l'ai vue. C'est l'expérience, peut-être une des plus belles expériences de ma vie. J'ai été la voir à Marseille, parce qu'après avoir travaillé la terre chez moi, et puis chez des voisins où elle a été embauchée, elle est retournée à Marseille dans l'hiver de 41-42, et puis ses parents ont fait des démarches pour rejoindre leur fils, qui était son frère, évidemment, en Amérique. Et ces démarches ont réussi, et en mai 42, c'est-à-dire peu de temps avant l'occupation de la zone libre par les Allemands, ils ont pu s'embarquer. Alors j'ai été la voir à Marseille, et je sais que nous avons passé la nuit dans sa chambre à parler, et dans un état d'illumination que je n'ai plus retrouvé de ma vie. Je sentais ce qu'elle allait dire, elle sentait ce que j'allais dire. C'était très très beau. Et je sais que je lui ai dit alors qu'elle comptait beaucoup pour moi. Et alors elle m'a dit que c'était réciproque, qu'elle n'en avait jamais douté. Et puis, aux petites heures, on s'est séparés, et elle m'a donné une serviette qui était bourrée de ses manuscrits. Mais elle a dit « Emportez-moi ça ». Et puis elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle me disait, je cite, enfin, à peu près substantiellement, « Je vous confie ce manuscrit, je ne sais pas ce qu'ils valent, n'est-ce pas ? Ils ne valent peut-être pas plus que la fumée des cigarettes que j'ai fumées pendant que je les écrivais, parce qu'elle fumait beaucoup. Et comme je ne fumais pas à cette époque-là, je lui donnais ma ration de tabac, ce qui la rendait d'ailleurs très reconnaissante. Je la vois un jour, pour citer une anecdote, c'était le talon d'Achille de son ascétisme, si on peut dire, le goût du tabac. Elle se privait de tout sauf du tabac. Et encore, elle s'en privait un peu pour le donner à des fumeurs. Mais là, c'était le sacrifice suprême. Je me souviens qu'un jour, je lui ai dit, il y a la bonté de faire passer le tabac. Il y avait un pot à tabac là, alors elle me dit, pas besoin de bonté. La plus basse concupiscence suffit. Et alors, bon, j'ai gardé ses cahiers, c'était pendant l'occupation, je les ai lus avec une libération sans mélange. Et puis, après la guerre, j'ai appris qu'elle était morte en 1943. Ça vous a surpris, cette mort ? Pas tellement, parce que, étant donné son ascétisme, eh bien, je savais bien qu'elle n'avait pas pour bien longtemps. Elle était fatiguée à mourir. Quand elle vendangeait chez les voisins, où elle faisait les vendanges comme une ouvrière agricole, elle faisait ses 8 heures par jour. Chez moi, elle menaçait beaucoup plus. Je me menaçais moi-même aussi. Bon, alors, mais là, elle disait, quelquefois, j'avais l'impression que j'étais morte, que j'étais tombée en enfer sans le savoir, et que l'enfer consistait à vendanger éternellement. Physiquement, elle avait quelque chose de fragile, elle vous paraissait. Oui, elle avait fait la tuberculose, incontestablement. Et puis, elle avait des maux de tête épouvantables qu'elle a eu dès son enfance et devant lesquels toute la médecine a échoué. Alors bon, alors après la guerre, j'ai appris sa mort. J'ai eu aucun contact avec les parents qui étaient aux États-Unis, au Brésil d'abord, puis aux États après, je crois, c'est leur fils. Et alors, j'ai parlé à Gabriel Marcel, qui dirigeait une collection chez Plon, qui a été assez enthousiaste. Et j'ai travaillé, c'est-à-dire j'ai fait ce livre qu'on appelait « La pesanteur et la grâce » depuis qu'on vient de rééditer. J'ai classé les documents selon certains ordres, avec des têtes de chapitres, empruntant en général les titres à une pensée de Simone de Veil. Je l'ai appelé « La pesanteur et la grâce » parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. Toutes les affections humaines sont liées à la pesanteur, la grâce seule fait exception, ainsi de suite, elle y revient très souvent. Et je l'ai donné à Plon. Je l'ai publié bien volontiers, mais parce que c'était un livre de grande valeur, mais en espérant aucun succès. Et ça a eu un très gros succès pour un livre philosophique, au moins 30 000 exemplaires. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à être connue dans les années 47. Et puis après, alors, évidemment, Camus, tout le monde est venu, on a publié ses œuvres complètes, et ainsi de suite. Mais c'était le début. Le succès, en général, un succès immédiat pour une œuvre de cette valeur, bien tient plutôt au côté anecdotique de l'œuvre, au côté pittoresque du personnage, qu'à la valeur du livre. Et j'ai des comptes rendus qu'on m'envoyait à cette époque-là, qui sont à mourir de rire. Un compte rendu dans France Soir, à l'époque, où il était dit que la philosophie de M. Upanishad n'avait pas de secret pour elle. Vous voyez le niveau du rédacteur, n'est-ce pas? Et puis on montrait l'ouvrière d'usine, la milicienne est sur le front dragon, elle était allée se battre, non, elle ne s'est jamais battue. Elle n'a jamais pris un fusil, mais enfin, elle était avec les soldats dans les tranchées sur le front dragon, ainsi de suite. Alors ça faisait pittoresque. Et ça a fait un succès de curiosité, si on peut dire, et d'anecdote. Mais la vraie Simone de Veil, peu à peu, ce succès a disparu, mais de plus en plus, elle a pénétré dans d'autres pays, et ce qui est extrêmement touchant, elle a sidéré des hommes de toutes les classes sociales et de tous les niveaux de culture. Et en même temps, elle est dans les marges, elle reste toujours dans les marges de toutes les institutions. Elle est toujours dans les marges de tout, alors le social, pour elle, c'est le domaine de l'impur. Elle était résistante, c'est vrai, elle l'a été courageusement, mais au moment de l'épuration, elle aurait été terrible pour les épurateurs. Il faut tout dire. Hein. Elle était toujours, voilà. Il y a une idée qui est dans Platon que la justice est la fugitive du camp des vainqueurs. Et que socialement, eh bien, c'est toujours du côté des vainqueurs que la balance pense. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, d'ailleurs, ainsi de suite. Et qu'il faut se porter inconditionnellement du côté des vaincus. Elle avait été convoquée pour propagande gaulliste pour un juge d'instruction. Bon, alors, si l'instruction a fait une petite enquête, il dit, mademoiselle, vous êtes de bonne famille bourgeoise, vous êtes agrégée de philosophie, enfin, quelqu'un de bien, alors vous comprenez, moi, je ne veux pas vous embêter. Bon, signez-moi une déclaration, comme quoi, depuis l'agression de la Syrie, la Syrie était française à l'époque, je crois, était colonie, par les Anglais, vous avez changé d'avis, quoi. Moi, elle dit, vous savez, monsieur le juge, c'est la politique. Je considère le gaullisme comme un moindre mal, si pas du tout. Mais dans l'état actuel des choses, eh bien, je considère que c'est le moindre mal, quoi. Et donc, je suis gaulliste. Alors, l'occupation de la Syrie n'a absolument rien changé, n'est-ce pas, mes opinions. Alors, il dit, écoutez, mademoiselle, moi, je ne veux pas être méchant. Mais enfin, peut-être, je serais obligé de vous mettre en prison. Et dans les prisons, eh bien, je ne pourrais pas vous donner un régime politique. Alors, vous serez au milieu des prostituées. Oh, le dit, monsieur le juge, quel bonheur. J'ai toujours rêvé d'avoir des contacts avec ces filles-là. Mais du dehors, on ne peut avoir que des contacts artificiels. Merci de me donner l'occasion d'avoir des contacts intérieurs. Alors il dit, ah, ça vous moquez de la justice. Elle dit, non, monsieur le juge, je me moquerai de la justice si, comme vous m'y invitez si aimablement, je signe des déclarations dont je ne pense pas le premier mot. Il me semble que la meilleure preuve de confiance qu'on peut donner à la justice, c'est de lui dire tout ce qu'on pense. Ça l'a sauvé. Le juge s'est tourné vers son greffier en faisant ce signe significatif et de dire, allez, mademoiselle. Oui, ce signe significatif comme quoi elle était folle, enfin, ou elle avait quelque chose de fou. C'est ça, elle saute un peu. Il n'allait pas. Ce sont les hommes du va-et-vient. Ce sont les hommes qui avaient la responsabilité du commissariat à l'intérieur, c'est-à-dire en réalité du contact permanent avec la France occupée, souffrante et résistante. André Philippe, qui n'ont jamais, à aucun moment, considéré comme possible ou concevable qu'elle fût chargée d'une mission, dont d'ailleurs elle savait qu'elle serait vouée à l'échec, mais elle espérait rendre un suprême service en mourant à la faveur de cet échec. Il y avait un égoïsme sacré dans sa pensée. Et on lui aurait dit, vous souffrirez et vous mourrez, mais vous ne rendrez aucun service. Elle aurait dit, eh bien, j'aurais fait mon salut. Et il lui apparaissait impossible d'apercevoir, autrement que dans l'extrême danger et dans l'extrême souffrance, le malheur des hommes, la justice de Dieu et le lien entre les deux. Quelques jours après, je reçois, non pas quelques lignes, mais un très très long texte, avec une lettre d'envoi. Vous trouverez là quelques réflexions sur les sacrements, dont quelques mots dits par vous m'ont fait penser qu'elles pouvaient n'être pas... Vous trouverez là quelques réflexions sur les sacrements, dont quelques mots dits par vous au sujet de la communion m'ont fait penser qu'elles pouvaient n'être pas sans intérêt pour vous. Je n'ai aucun droit, évidemment, à avoir une théorie des sacrements. Mais par cette raison même, s'il y en a une qui par erreur se pose en moi, j'ai l'obligation de l'en faire sortir. À d'autres de discerner ce que cela vaut et d'où cela vient. Quand l'âme est dans un état où l'approche du sacrement est plus pénible que la marche vers la mort, elle est tout près d'un seuil au-delà duquel le martyre est facile. Dans son effort désespéré pour survivre et pour échapper à la destruction par le feu, la partie médiocre de l'âme, avec une activité fébrile, invente des arguments. Elle les emprunte à n'importe quel arsenal, y compris la théologie, et tous les avertissements sur les dangers des sacrements indignes. À condition que ces pensées ne soient absolument pas écoutées par l'âme où elles surgissent, ce tumulte intérieur est infiniment heureux. Plus est violent le mouvement intérieur de recul, de révolte et de crainte, plus il est certain que le sacrement va détruire beaucoup de mal dans l'âme et la transporter beaucoup plus près de la perfection. Le grain de Senevé est la plus petite des graines. L'atome imperceptible de bien pur logé dans l'âme par un mouvement de désir réel vers Dieu est cette graine. S'il n'est pas arraché par une trahison consentie, il en sortira infailliblement avec le temps des branches où se poseront les oiseaux du ciel. Et le texte est fabuleux, parce que d'une part, c'est une dialectique de la présence réelle. Et c'est une philosophie sacramentelle dont j'ai jamais trouvé l'équivalent, dont personne n'a jamais trouvé l'équivalent. Et de la part de quelqu'un qui ne s'est jamais approché des sacrements. Et d'autre part, c'est en même temps, à travers cette dialectique, l'aveu de ce qu'elle attend et de la mort qu'elle souhaite. Tout y figure. La fin de la théorie des sacrements me fait penser à ce qu'écrivait Jacques Maritain, qui, marchant avec le père Clérissac dans une rue de Versailles, le père Clérissac est l'auteur du Mystère de l'Église, l'entendait dire « Dieu a le temps, n'allons pas plus vite que Dieu, c'est de notre soif et de notre vide qu'il a besoin, non de notre plénitude ». Eh bien, il y a dans cette théorie des sacrements, une permanente illustration de cette vérité et une volonté, toujours le refus de l'écart entre la pensée et l'action, et une volonté d'aller au bout de cette vérité par le témoignage, au sens fort du terme, c'est-à-dire par le martyr, nous en revenons toujours là. Plus martyr que sainte. Voilà ce que je dirais volontiers de Simone. C'était Les chemins de la connaissance, Simone Veil ou les métamorphoses, penser, agir, vivre, un même élan, premier volet d'une série de 5, diffusé la première fois le 10 juillet 1989 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.